Unité 22. Conversation. Écoutez. Tu rentreras de bonne heure ce soir? Je n'en sais rien. Pourquoi veux-tu savoir à quelle heure je rentre? J'ai projeté d'aller au concert. On ne peut pas remettre à demain? Si tu veux. Demain, tu ne rentreras pas tard? Non, je ne crois pas que je rentrerai tard. Tu es sûr que tu pourras te libérer pour cette heure? Oui, j'ai un rendez-vous à 5 heures. Je rentrerai tout de suite après. Répétez. 1. Tu rentreras de bonne heure ce soir? 2. Je n'en sais rien. 3. Pourquoi veux-tu savoir à quelle heure je rentre? 4. J'ai projeté d'aller au concert. 5. On ne peut pas remettre à demain? 6. Si tu veux. 7. Demain, tu ne rentreras pas tard? 8. Non, je ne crois pas que je rentrerai tard. 9. Tu es sûr que tu pourras te libérer pour cette heure? 10. Oui, j'ai un rendez-vous à 5 heures. Je rentrerai tout de suite après. 11. Tu rentreras de bonne heure ce soir? 12. Je n'en sais rien. 13. Pourquoi veux-tu savoir à quelle heure je rentre? 14. J'ai projeté d'aller au concert. 15. On ne peut pas remettre à demain? 16. Si tu veux. 17. Demain, tu ne rentreras pas tard? 18. Non, je ne crois pas que je rentrerai tard. 19. Tu es sûr que tu pourras te libérer pour cette heure? 20. Oui, j'ai un rendez-vous à 5 heures. Je rentrerai tout de suite après. 6. Que vont faire les enfants ce soir si nous allons au concert? De 6h à 7h, ils pourront aller à la piscine. Dîneront-ils seuls? Bien sûr. Je pourrai leur préparer de la viande froide et de la salade. Et après, auront-ils un programme intéressant à la télévision? Oui, ils regarderont le feuilleton. Crois-tu que le feuilleton pourra les intéresser? Sans doute. Et quand ils auront sommeil, ils pourront se coucher. Répétez. 21. Que vont faire les enfants ce soir si nous allons au concert? 22. De 6h à 7h, ils pourront aller à la piscine. 23. Dîneront-ils seuls? 24. Bien sûr, je pourrai leur préparer de la viande froide et de la salade. 25. Et après, auront-ils un programme intéressant à la télévision? Oui, ils regarderont le feuilleton. 27. Crois-tu que le feuilleton pourra les intéresser? 28. Sans doute. Et quand ils auront sommeil, ils pourront se coucher. Répondez, répétez. 29. Que vont faire les enfants ce soir si nous allons au concert? 30. De 6h à 7h, ils pourront aller à la piscine. 31. Dîneront-ils seuls? 32. Bien sûr. Je pourrais leur préparer de la viande froide et de la salade. 33. Et après, auront-ils un programme intéressant à la télévision? 34. Oui, ils regarderont le feuilleton. 35. Crois-tu que le feuilleton pourra les intéresser? 36. Sans doute. Et quand ils auront sommeil, ils pourront se coucher. Écoutez. 37. Demain, Pierre se libérera tôt. 38. Marie passera le prendre au bureau pour aller au concert. 39. Leurs enfants pourront aller à la piscine de 6h à 7h. 40. Ils dîneront et puis ils regarderont le feuilleton. 41. Ils se coucheront quand ils auront sommeil. 42. Ils passeront une excellente soirée. Répondez, répétez. 43. Demain, Pierre se libérera-t-il tôt? 44. Oui, demain, Pierre se libérera tôt. 45. Est-ce que Marie passera le prendre au bureau pour aller au concert? 46. Oui, Marie passera le prendre au bureau pour aller au concert. 47. Leurs enfants pourront aller à la piscine de 6h à 7h? 48. Oui, leurs enfants pourront aller à la piscine de 6h à 7h. 49. Regarderont-ils le feuilleton? 50. Oui, ils dîneront et puis ils regarderont le feuilleton. 51. Quand se coucheront-ils? 52. Ils se coucheront quand ils auront sommeil. 53. Est-ce qu'ils passeront une excellente soirée? 54. Oui, ils passeront une excellente soirée. Écoutez. 55. Salut, Paul. Comment vas-tu? 56. Bien, merci. J'ai trouvé un emploi. 57. Quand commenceras-tu? 58. Dans une semaine, je quitterai Paris pour un mois. 59. Où vas-tu? 60. Je vais faire un stage d'anglais à Royan. 61. En un mois, tu apprendras l'anglais? 62. Oui, avec les méthodes audiovisuelles et un entraînement intensif. Répondez, répétez. 63. Salut, Paul. Comment vas-tu? 64. Bien, merci. J'ai trouvé un emploi. 65. Quand commenceras-tu? 66. Dans une semaine, je quitterai Paris pour un mois. 67. Où vas-tu? 68. Je vais faire un stage d'anglais à Royan. 69. En un mois, tu apprendras l'anglais? 70. Oui, avec les méthodes audiovisuelles et un entraînement intensif. Écoutez. Dans quelques instants, vous pourrez voir Jeux sans frontières. À 22h30, vous retrouverez Françoise Hubert avec La vie des animaux. Et pour terminer la soirée, la dernière édition du journal d'Antenne 2 à 23h50. Sur la première chaîne, le film Mon oncle vient de commencer. Ensuite, vers 22h, vous aurez rendez-vous avec Arthur Rubinstein. Arthur Rubinstein jouera des sonates de Chopin. Répétez. 71. Dans quelques instants, vous pourrez voir Jeux sans frontières. À 22h30, vous retrouverez Françoise Hubert avec La vie des animaux. Et pour terminer la soirée, la dernière édition du journal d'Antenne 2 à 23h50. Sur la première chaîne, le film « Mon oncle » vient de commencer. 75. Ensuite, vers 22h, vous aurez rendez-vous avec Arthur Rubinstein. 76. Arthur Rubinstein jouera des sonates de Chopin. Répondez, répétez. 77. À quand pourrons-nous voir Je sans frontières? 78. Dans quelques instants, vous pourrez voir Je sans frontières. 79. À quelle heure nous retrouverons Françoise Hubert? 80. À 22h30, vous retrouverez Françoise Hubert avec La vie des animaux. 81. Qu'y aura-t-il pour terminer la soirée? 82. Pour terminer la soirée, il y aura la dernière édition du journal d'Antenne 2 à 23h50. 83. Sur la première chaîne, le film « Mon oncle » vient-il de commencer? 84. Oui, sur la première chaîne, le film « Mon oncle » vient de commencer. 85. Ensuite, avec qui aurons-nous rendez-vous? 86. Ensuite, vers 22h, vous aurez rendez-vous avec Arthur Rubinstein. 87. Que jouera Arthur Rubinstein? 88. Arthur Rubinstein jouera des sonates de Chopin. Écoutez. 89. En janvier, notre école organisera une classe de neige. 90. Nous emporterons nos livres avec nous. 91. Nos enseignants continueront leurs leçons. 92. Il y aura aussi un moniteur de ski. 93. Nous skierons et nous nous amuserons beaucoup. 94. Nos parents nous donneront sans doute la permission d'y aller. Répondez, répétez. 95. Cette année, votre école organisera-t-elle une classe de neige? 96. Oui, en janvier, notre école organisera une classe de neige. 97. Emporterez-vous vos livres? 98. Oui, nous emporterons nos livres avec nous. 99. Est-ce que vos enseignants continueront leurs leçons? 100. Oui. Nos enseignants continueront leurs leçons. 101. Y aura-t-il un moniteur de ski? 102. Oui, il y aura un moniteur de ski. 103. Est-ce que vous skierez? 104. Oui, nous skierons et nous nous amuserons beaucoup. 105. Vos parents vous donneront-ils la permission d'y aller? 106. Oui, nos parents nous donneront sans doute la permission d'y aller. Écoutez. Est-ce que tu auras le temps d'aller faire les commissions? Non, je n'aurai pas le temps. Je rentrerai très tard. Tu n'auras même pas le temps d'aller me poster une lettre? Si, à midi, j'aurai sans doute 5 minutes pour aller jusqu'à la poste. Surtout, tu n'oublieras pas, c'est une lettre urgente. Non, tu peux compter sur moi. À ce soir. Répétez. 107. Est-ce que tu auras le temps d'aller faire les commissions? Cent huit. Non, je n'aurai pas le temps. Je rentrerai très tard. Cent neuf. Tu n'auras même pas le temps d'aller me poster une lettre? Cent dix. Si, à midi, j'aurai sans doute 5 minutes pour aller jusqu'à la poste. Cent onze. Surtout, tu n'oublieras pas. C'est une lettre urgente. 112. Non, tu peux compter sur moi. À ce soir. Répondez, répétez. 113. Est-ce que tu auras le temps d'aller faire les commissions? 114. Non, je n'aurai pas le temps. Je rentrerai très tard. 115. Tu n'auras même pas le temps d'aller me poster une lettre? 116. Si, à midi, j'aurai sans doute 5 minutes pour aller jusqu'à la poste. 117. Surtout, tu n'oublieras pas, c'est une lettre urgente. 118. Non, tu peux compter sur moi. À ce soir.